ça et ça va être comme ça. Après, il est mort. Il est à 10 vols. Heureusement qu'il a pris. Combien tu dois faire? Moi, j'ai parcouru 11 heures par jour. 11 heures par jour. 6 heures. 6 heures par jour. 6 et 6, ça fait 12 heures. Ouais, je sais que c'est. Moi, je suis cher. Je ne peux pas le demander. Comment réfléchir? Comment il réfléchit pour ça? J'ai jamais ces 11 000, je n'allais pas les claquer. Hein. Là, tu es au Maroc. Je vais vous laisser. Attends, calme-moi. Quoi? En Grèce, c'est l'hiver, c'est blanc là-bas. C'est l'hiver. Ouais, chaud. En Grèce, il fait chaud. Ouais. Il fait bien chaud. C'est près d'où la Grèce? Près du Canada? Ouais, je connais. Non. Ah, les Grecs! Oh, les Grecs. Voilà, Romains, tout ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quoi, lâcher? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, t'as étudié ou t'as. Non, non. On a passé un bon voyage à l'hôtel. Et tu parlais, tu comprenais. Ils parlent en français, les Grecs. Ils parlent en grec.